Chapitre 10e, l'enquête de Michaud. Ce matin, je garde ma chambre avec précaution devant le commissariat. Par une fenêtre du premier étage, Michaud observe Volpi. Il le trouve bizarre, le Gino, depuis le début de cette affaire de rogne. Habituellement, Volpi a une façon bien à lui de mener son enquête. Il semble partir dans tous les sens, brûlant des étapes au mépris de la procédure normale, court-circuitant des collègues, fidèle à sa réputation de renard, pour sortir le coupable comme un magicien le lapin du chapeau. Mais là, il applique à la lettre le manuel du parfait flic, traitant les indices au fur et à mesure, avec discipline et méthode, façon gendarme. Il est peut-être sec sur ce coup-là. Pourtant, son cerveau fécond grouille habituellement d'hypothèses les plus inattendues les unes que les autres. C'est peut-être la mort de sa femme et de son gosse qui a diminué ses facultés. Bref, il traîne les pieds. Et lui, Michaud, est obligé d'en faire autant, alors qu'il a bien quelques idées. Par exemple, il se demande comment l'assassin s'y est pris pour pouvoir percuter sur la droite le véhicule qui venait en face. Un camion, ce n'est tout de même pas aussi maniable qu'une moto ou qu'un kart. La victime s'est peut-être mise en travers dans le virage. Tout ça n'est pas clair, et Gino a bien dû y penser. Il a l'air de trouver ça normal. En tout cas, le mobile de vengeance de l'accident du Bailly ne tient pas. Il faudrait trouver le vrai mobile, remonter dans le passé de Guelmard, et qu'on soit fixé une bonne fois pour toutes. Lui, Michaud, il a une petite idée sur la question, et s'il a du temps, il faudrait qu'il cherche dans ce qu'on a trouvé au domicile du mort. Mais c'est le commissaire qui détient le paquet, et en attendant, inutile d'en parler, sans compter la lettre donnée par le légiste et que Volpi a étouffée. Il sent bien que Volpi est mouillé dans cette affaire, mais bon Dieu, quel est son rôle? Qu'est-ce que c'est que tous ces mystères? Sur le trottoir d'en face, devant le casino d'Aix, Michaud remarque la présence d'un gars qui fait les 100 pas devant l'entrée. Il doit se dire « j'y vais pas », pense Michaud. Mais finalement, l'homme traverse et vient s'appuyer sur une voiture en stationnement, en regardant la porte du commissariat. Mais l'inspecteur est distrait de son observation par l'entrée de Volpi dans son bureau. « Alors, commissaire, ce GMC, je fais ma tête des mauvais jours. » Ce où j'ai l'impression que j'ai 10 ans de plus. Tais-toi. Je me suis fait remonter les bretelles par Cassard. Punaise. Quand il a décidé de plus être sympa, celui-là, il te glace les sangs. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Figure-toi que cet abruti de témoin confond un GMC avec un Dodge. Quand on lui a montré les photos des camions, il a levé les bras au ciel. Mais ce n'est pas un GMC, ça, qu'il a fait. Je ne te raconte pas le regard tueur que m'a décoché Cassard. C'est vrai. Que nous ne nous sommes pas assurés que le témoin était au clair sur les types de camions américains de la guerre. Oui, eh ben ça craint. Il va falloir recommencer l'enquête en recensant les Dodge. Je pense que tu sais ce que c'est. Tiens, voilà une photo. Ok, patron, c'est reparti. S'écrit Michaud en regardant la photo. N'oublie pas que maintenant on sait que le bahut est gris et qu'il a été coupé à l'arrière. En effet, ces commandes-cars ressemblent à de grosses jeeps. Et la partie arrière était un berceau qui recevait une banquette capitonnée. Beaucoup de récupérateurs sciaient cette partie arrière et ne gardaient que le plancher pour y adapter une structure répondant à leurs besoins. Ça va, je vois bien de quoi il s'agit, je m'en occupe. Michaud passe dans le bureau à côté et commence à téléphoner. Seul dans mon bureau, je réfléchis tout en nettoyant mes lunettes Ray Charles. Je suis maintenant persuadé que le crime n'a rien à voir avec l'affaire de Lubaï. Pourquoi suis-je suivi depuis que Guelmard est mort? Et par qui? J'ai bien une idée sur la question, mais pour l'instant, je ne peux rien dire. Il faudra que je mène une enquête personnelle et parallèle à celle que je suis en train de mener. La confusion sur le Dodge m'a foutu un sacré coup au moral. Qui a pu deviner que je comptais justement assassiner Guelmard avec un véhicule semblable en le poussant dans le décor? Qui a su que je voulais justement utiliser mon Dodge, certes pas encore en très bon état, mais suffisant pour encadrer une bagnole? Qui a pu aussi bien me connaître au point de s'identifier à moi? Qui a pu utiliser une arme de service de la fonction publique? De fait, l'assassinat de Guelmard est un crime par substitution. Qui, à part Sylvia, sait que j'ai un Dodge qui dort dans la grange et que je retape petit à petit? Il y avait bien les anciens propriétaires qui ont laissé l'engin, mais ils sont en Bretagne aujourd'hui. J'ai beau tourner et retourner le problème dans ma tête, le visage de Sylvia s'incruste dans mon cerveau, imprimé par la raison. Sylvia aurait-elle pu commettre ce crime? Malheureusement, la réponse est oui. Elle et Chantal étaient deux garçons manqués, et s'intéressait plus aux bagnoles et à la mécanique qu'au tricot et à la broderie. Elle s'était essayée à tout ce qui fait l'apanage de l'homme, la moto, les sports de combat, le bricolage. Elle s'était même initiée au rugby, mais avait abandonné parce que ça finissait toujours par des crises de fou rire. Oui, Sylvia est sans aucun doute capable de mener le dodge, mais tout de même, je fais intérieurement une prière pour que ce soit quelqu'un d'autre qui ait fait le coup. Sylvia m'aime bien et adorait Chantal, mais de là à commettre un crime de sang-froid. Je sors ma bouteille de Glenlivet de derrière une pile de dossiers dans l'armoire. À même le goulot, je m'en jette une lampée dans le gosier. C'est bon, mais ça n'a pas l'effet attendu. Tant pis. L'esprit un peu plus calme, je décide de continuer la routine de l'enquête en faisant le canard. En tout cas, ce soir, je vais inspecter mon dodge de fond en comble. Voilà plus de 15 jours que je n'ai pas jeté un œil dessus. Michaud, dans son bureau, réfléchit aussi. Il reprit le fil de la pensée qu'il a entamée devant la fenêtre. Il faut qu'il en ait le cœur net. Il décide de se rendre de nouveau sur les lieux pour vérifier une hypothèse. « Je sors, » dit-il à Volpi. « J'ai déjà 2 adresses pour le dodge. Vas-y, et attention, car ce coup-ci, Cassin ne nous pardonnera pas si ça foire. De toute façon, je suis tranquille pour le dodge. Il n'est pas et n'a jamais été immatriculé. Pas de risque que le fichier des cartes grises le signale. » Michaud garait sa voiture sur une aire de stationnement dans le virage de la D543. Il s'assoit sur une grosse pierre et regarde tout autour de lui. Au bout d'un moment, il se met à parler tout bas. C'est ainsi qu'il réfléchit le mieux. Que la voiture vienne d'Aix ou de Rognes, la route est trop étroite pour qu'elle soit percutée sur sa droite par un véhicule qui vient en sens inverse, même s'il roulait complètement à gauche. De toute façon, Guelmard devait venir d'Aix, donc de la gauche de l'aire de stationnement, pour aller voir sa poule comme tous les samedis. Il se met au milieu de la route pour mieux se rendre compte de ce qu'il avance, puis va se rasseoir sur la pierre. De là où il est, l'endroit où la voiture a quitté la route est juste en face de lui. Il se relève et va se planter au bord du ravin. Il visualise le trajet effectué par la voiture grâce à plusieurs arbustes écrasés. Si c'est le choc de côté qui avait poussé la Simca dans le ravin, elle aurait effectué des tonneaux. Or là, visiblement, elle est descendue tout droit. C'est donc bien l'impact arrière qui lui a fait dévaler la pente. C'est indubitable. Il revient s'asseoir. Il ferme les yeux et imagine la scène. Tout à coup, il se lève et dit tout haut. « Le camion était là, là où je suis. » Il avait la place de se garer perpendiculairement à la route. Quand l'autre zig est arrivé, il est sorti et bande dans le mille. La Simca se met en travers, l'avant vers le ravin. L'autre recule. « Oui, il a la place, » dit-il en se retournant. « Il pousse la bagnole par l'arrière. Et voilà, c'est pas beau ça. » « Oui, mais comment l'assassin a-t-il deviné l'arrivée de Guelmard ?» Le bruit du moteur Simca. Soudain, Michaud a une intuition. Il grimpe sur un bloc d'une hauteur d'1 mètre contre la paroi. De son perchoir, il aperçoit dans une trouée la route de virage plus bas. Et voilà. De la cabine du camion, il a dû voir la Simca arriver. Ça colle. Tout à coup, au bas de la paroi, il aperçut une petite tache bleu ciel de la grosseur d'un caillou. C'est peut-être un paquet de gitane vide. Michaud a la surprise de découvrir une voiture miniature oubliée certainement par un enfant. Une R8 Gordini. Il place sa trouvaille dans sa poche. Il jette encore un dernier coup d'œil à l'endroit du drame, repose sa vue en contemplant le panorama au loin, puis remonte à la Dauphine satisfait de lui. Dans la voiture en revenant à Aix, il braille à tue-tête. « Gare aux gorilles ! » Ah, qu'est-ce qu'il est content, le père Michaud ! Il a besoin comme ça de faire éclater sa joie, il le fait toujours quand il est seul. De temps en temps, en voiture, il a besoin de pousser des cris pour se libérer de la pression qui l'étreint assez souvent. Depuis tout petit, il s'est toujours senti bridé et surveillé. De parents protestants rigides et nés juste au début de la guerre, il n'a pas eu une enfance très heureuse près de Saint-Étienne. Son père, pusillanime et respectueux à outrance des lois, ne cédait qu'en dernière extrémité à la tentation du marché noir, ce qui fait que Serge a attendu les années 50 pour manger à sa faim. Peu d'amis et de copains, car toutes ses fréquentations étaient passées au crible de la morale paternelle, et peu de gosses obtenaient leur droit d'entrée à la maison. Lors de son entrée à la fac de lettres, Michaud dut s'expatrier à Lyon, et là, il rattrapa des années de carcan. Il se mit à fréquenter des existentialistes et des anards, autant par goût que par opposition paternelle. C'est de là qu'il a gardé ce look de potache attardé. avec des vestes au poche à vachy et des écrase-merdes comme souliers. Il n'a pas encore trouvé la femme de sa vie. Pourtant, il est plutôt bien bâti, avec un visage avenant. Mais pour la trouver, la femme idéale, encore aurait-il fallu qu'il en fréquentât. Mais ça ne lui manque pas tellement. Il attend que la rencontre se fasse seule, comme ça, par un coup de bol. Comme beaucoup, il n'a pas réellement choisi sa profession. Il aurait préféré être prof ou instit, mais il aime tout de même son métier, car son éducation lui a inculqué de faire bien ce que l'on fait. La police, c'est le premier concours de la fonction publique qu'il a réussi. Et comme il commençait à en avoir marre des études, il s'est coulé dans ce moule auquel il ne s'attendait pas vraiment. Son affectation actuelle n'est pas très loin de sa mère, et il prépare doucement le concours de commissaire sans se monter la tête. Il aime bien travailler avec Volpi, parce qu'il est jeune, un peu déjanté et toujours prêt à vous surprendre. Ce soir, il est tellement content de sa découverte qu'il va s'offrir une toile dans un ciné-club d'art et d'essai, histoire d'écouter des conneries. Ça leur pose et ça l'amuse, le scientisme des cinéphiles intellos.